Nous avons vu la semaine dernière que Dieu souhaite faire de ceux qui se sont réconciliés avec lui ses ambassadeurs. L'apôtre Paul, qui écrivait aux Corinthiens « Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ », déclare aussi dans cette même épître « Dieu nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance ». 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Qu'est-ce qu'un ministre ? Tout simplement celui dont on se sert pour exécuter une chose. Dieu veut donc se servir de nous pour faire connaître aux hommes la merveilleuse alliance qu'il désire traiter avec chacun d'eux. Certaines personnes acceptent de croire à l'existence d'un Dieu créateur, mais elles pensent qu'après avoir créé l'univers et le genre humain, il s'est définitivement retiré dans ses demeures célestes, ayant bien d'autres choses à faire qu'à s'occuper de ses créatures. Piètre idée de Dieu, ne trouvez-vous pas ? Et de plus, injurieuse. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dit l'Éternel par la voix du prophète Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Quoi qu'en pensent certains, Dieu est avant tout un Dieu de communication. Et traiter une alliance est une façon de communiquer. C'est ainsi qu'il fit alliance avec Adam et Ève. Cette alliance en Éden réglait la vie de l'homme dans l'état d'innocence, mais elle fut rompue par le péché de nos premiers parents. Après les avoir chassés du paradis à cause de leur désobéissance, Dieu traita néanmoins une seconde alliance avec eux. Alliance qui, tout en conditionnant la vie de l'homme pécheur, contenait la promesse d'un Rédempteur. Plus tard, Dieu fit alliance avec Noé, s'engageant à ne plus détruire la terre par un nouveau déluge. L'arc-en-ciel devint alors le signe de cette alliance qui réaffirmait les conditions de vie imposées à l'homme déchu et instituait le principe du gouvernement humain. Dieu fit aussi alliance avec Abraham, en ces termes « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Genèse, chapitre 12, verset 2. L'existence du peuple d'Israël est la preuve que cet engagement divin a été tenu. Avec Israël constitué en nation, Dieu fit alliance à deux reprises. La première alliance, au mont Sinaï, comportait trois éléments essentiels formant ce qu'on appelle la loi de Moïse. Ce sont les commandements, expression de la juste volonté de Dieu, les lois civiles régissant la vie sociale d'Israël et les ordonnances réglant sa vie religieuse. La seconde alliance précisait les conditions d'entrée d'Israël en terre promise, c'est-à-dire dans le pays de Canaan. Hélas, l'histoire de ce peuple révèle qu'à l'exemple d'Adam, il ne fut point fidèle à l'Éternel. Dieu fit également alliance avec le roi David, l'assurant de la pérennité de son règne sur le trône d'Israël. Et enfin, dernière des huit grandes alliances mentionnées dans la Bible, Dieu propose à tout homme une alliance nouvelle, fondée sur le sacrifice de Christ, alliance définitive et irrévocable qui assure la félicité éternelle de tous les rachetés. Parlant de l'alliance que Dieu avait traitée avec lui, David disait « Il a fait avec moi une alliance éternelle en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. » 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Ces termes peuvent également s'appliquer à la nouvelle alliance que Dieu veut traiter avec tout homme. « Il a fait avec moi une alliance éternelle. » Cette alliance, en effet, ne peut être qu'éternelle, puisque « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean, chapitre 3, verset 16. En tout point bien réglé. Sur la croix, après s'être chargé de nos péchés et avoir reçu le châtiment de Dieu à notre place, Jésus ne s'est-il pas écrié « Tout est accompli !» Oui, mes chers auditeurs, tout a été accompli par Jésus à Golgotha. Il a pleinement satisfait à toutes les exigences de la justice divine. Vous n'avez rien à ajouter. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Permettez une illustration. Si quelqu'un, par exemple, vous faisait cadeau d'une maison, accepteriez-vous, après que cette maison fût devenue votre propriété personnelle, que le constructeur vienne exiger de vous des traites pour son paiement? Non, bien sûr, puisqu'elle vous a été offerte. Alors, puisque Jésus a tout accompli pour votre salut et qu'il vous l'offre par grâce, puisqu'il a payé le prix de votre rachat, pourquoi accepteriez-vous que certaines théories religieuses exigent de vous les traites de vos bonnes œuvres, de vos mérites et de vos pénitences? L'Écriture est formelle, nous l'avons vu. Ce n'est point par les œuvres, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. Un don, une grâce, ne se mérite ni ne s'achète, mais s'accepte tout simplement avec reconnaissance. La seule condition pour l'homme, je le répète, la seule condition d'accès à cette alliance, c'est la foi en l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Mais qui prouve que tout a été réellement accompli? La preuve que tout a été réellement accompli pour notre salut, c'est le sang que Jésus a versé sur la croix, son propre sang, qu'il appelle lui-même le sang de l'Alliance répandu pour le pardon des péchés. Matthieu chapitre 26, verset 28. Le sang de Jésus-Christ d'une part et votre foi de l'autre. Voilà les bases de cette nouvelle alliance. La part de Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ. La part de l'homme, c'est la foi. Avant de poursuivre, je vous invite à réfléchir à la question capitale de votre salut éternel. Une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité. Offrant pleine sécurité. Parce qu'elle nous est proposée par Dieu lui-même et que nous en trouvons les termes précis dans les Saintes Écritures. C'est en cela que l'alliance que Dieu nous propose diffère des alliances et des contrats humains. Avec Dieu, pas de surprise désagréable, pas de déception. Il vous est peut-être arrivé de signer un contrat, d'assurance par exemple, et lors d'un sinistre d'avoir le désagrément de constater que les dédommagements sont inférieurs à ce que vous aviez pensé. Ah, il n'y a pas eu de tromperie, le cas était prévu dans le contrat, mais c'était écrit en si petits caractères que vous n'y avez pas pris garde. Avec Dieu, rien de semblable. La signature de votre foi peut se poser en toute sécurité au bas de la page des promesses de Dieu. Et c'est de cette merveilleuse alliance, éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité, que Dieu nous invite à être les ministres. Dans le monde politique, un ministre ne garde pas toujours très longtemps son portefeuille. Si le gouvernement change, il doit souvent quitter son poste. Autre inconvénient, le nombre des ministres est variable et toujours limité. Aucun de ces ennuis pour les ministres de la Nouvelle Alliance. Le gouvernement ne change jamais. Jésus-Christ est notre seul maître et Seigneur pour l'éternité. Le nombre des ministres est illimité et ceux qui acceptent ce ministère peuvent l'exercer pendant toute leur vie. Puissions-nous être, comme le souhaite l'apôtre Paul, de bons ministres de Jésus-Christ, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine, 1 Timothée chapitre 4, verset 6, et que Dieu nous accorde la grâce de bien remplir le ministère qu'il nous a confié.